t'attendant sur l'île de ma vie. Je vis de la mer dans un grand verre. Je la bois, je pense que c'est toi qui pleut de mes yeux. Une peine de ma vie, il y a si longtemps que t'écris sur le sable les mots les plus aimables et t'efface le vent, graverai dans la pierre la forme de ton corps. M'endormirai encore en chantant la prière que tu reviennes un jour sur l'île de moi. On aura tout le temps de devenir des enfants, des amants de l'amour. À tout moment, sur l'île de la vie, apprendrons la magie, le pouvoir de vivre transparent de la vérité et dans la liberté sur l'île de la vie.